1441, l'égir du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans la mosquée Sunna de Mona Luka, nous avons le plaisir d'accueillir notre frère Saad Abou Abdurrahman, qui va nous faire profiter d'une conférence intitulée « Les mérites de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala ». بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيسرني غاية السرور أن أتواصل مع إخواني في هذا المسجد المبارك مسجد السنة في دولة الكاميرون وأسأل الله أن يحفظنا وإياهم وأن يحفظ علينا ديننا وأن يثبتنا على التوحيد والسنة حتى نلقاه فرصة طيبة أن نلتقي عبر هذه الوسائل لنتذاكر أمور العلم ومن أهم ما ينبغي على المسلمين الاعتناء به كما سيأتي في ثنايا هذه الكلمة المختصرة في هذه الدقائق المعدودة أهم ما ينبغي للمسلمين الاعتناء به هو توحيد الله رب العالمين. Je suis très heureux d'avoir cette communication avec mes frères dans cette mosquée afin de se rappeler le bien. Et parmi les points les plus importants dans notre religion, comme nous allons le voir dans ces quelques minutes, Bidnillah, c'est At-Tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme vous savez, la religion de l'islam est basée sur deux grands fondements. La religion de l'islam est basée sur deux grands fondements, comme l'a mentionné l'imam Ibn al-Qayyim rahimallah et d'autres hommes de science, et l'ont rapporté de beaucoup de salafs tels que Qatada, le grand tabi'i, et de Abu al-Aliya al-Riyahi, qu'Allah leur fasse à tous miséricorde. Ce tabi'i très connu, Abu al-Aliya également, qu'ils ont dit « Kalimatani yus'alu anhum al-awwalun wal-akhirun » ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين. Deux paroles au sujet desquelles seront interrogés les premiers et les derniers, tous sans exception. Qu'est-ce que vous adorez? Qu'est-ce que vous adorez? Et qu'est-ce que vous avez répondu aux messagers? Donc ces deux points sur lesquels tout le monde sera interrogé, ça représente les deux grands fondements de l'islam, à savoir l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et le suivi de son noble messager Muhammad alayhi salatu wa salam. Et la réponse, bien évidemment, ces deux questions ont été tirées du livre d'Allah Azza wa Jal. La première, dans Sourate Al-Qasas, Allah Azza wa Jal dit وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ. Et le jour où il les appellera, il dira « Où sont ceux que vous prétendiez être mes associés ?» Et la deuxième question, c'est dans la même sourate, quelques versets plus tard, Allah Azzawajal dit: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. Et le jour où il les appellera, il dira: que répondiez-vous aux messagers? L'imam Ibn Kathir, rahimahullah, dans son tafsir, a dit: النداء الأول سؤال عن التوحيد وهذا عن إثبات النبوات وهذا كما يسأل العبد في قبره من ربك ومن نبيك وما دينك. Il a dit, rahimahullah, le premier appel, c'est une question au sujet de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le deuxième concerne l'affirmation de la prophétie. Et ensuite, il a dit, de la même manière que le serviteur sera interrogé dans sa tombe, quel est ton Seigneur, quel est ton prophète et quelle est ta religion? L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dit, la réponse à la première question se fait avec la concrétisation de la parole La ilaha illallah, ma'rifatan wa iqraran wa inqiyada. Donc, la science de cette parole La ilaha illallah, tout d'abord, et ensuite l'attestation avec science, et troisièmement la soumission. Et la réponse à la deuxième interrogation se fait avec la concrétisation de la deuxième attestation de foi, Ashhadu anna Muhammad al-Rasulullah, également par connaissance de son sens et affirmation de ce qu'elle implique, et soumission et obéissance. C'est pour ça que le serviteur doit savoir, doit chercher à connaître son adoré, Allah subhanahu wa ta'ala, et également la voie qui mène vers lui. C'est pour ça que notre religion, c'est la bonne intention qui est la sincérité pour Allah subhanahu wa ta'ala, et également le suivi du prophète, car c'est lui qui indique le seul chemin qui mène vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et il ne suffit pas d'avoir une bonne intention seulement, car comme les savants le disent, si la bonne intention à elle seule suffisait, Allah Azzawajal n'aurait pas envoyé les messagers, les prophètes. Allah subhanahu wa ta'ala n'aurait pas révélé les livres. Chacun selon son intention, et celui avec une bonne intention sera rétribué le paradis, et l'autre, la mauvaise intention, le feu de l'enfer, al-iyadu billah. C'est pour ça que la religion, ce sont ces deux points. Adorer Allah seul et ne l'adorer qu'avec ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. C'est pour ça que tu ne rentres pas dans l'islam avec une seule parole, c'est avec les deux attestations de foi. La première, Ashhadu an la ilaha illallah. Qu'est-ce que ça veut dire Ashhadu an la ilaha illallah? T'attestes que la seule divinité digne d'être adorée, c'est Allah subhanahu wa ta'ala seul. Et tu mécrois en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Car les divinités qui sont adorées sur terre sont très nombreuses. Il y a des hommes qui adorent les pierres, il y a des hommes qui adorent les arbres, il y a des hommes qui adorent les astres, les étoiles, les planètes, il y a des hommes qui adorent les chouyours, et ainsi de suite. Les divinités, les adorés sont très nombreux, mais la divinité de vérité, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. Et également avec le suivi du prophète alayhi salatu wassalam. Et si on passe en revue les paroles de Salaf, radiyallahu anhum, vous verrez qu'ils ont bien assimilé ce sens et qu'ils ont bien compris ces sens. Abu al-Aliya radiyallahu anhu, rahimahullah wa radiyallahu anhu, qu'on a vu tout à l'heure, il a une parole très connue dans laquelle il dit, rahimahullah, Abu al-Aliya, bien évidemment, c'est un tabi'i qu'on appelle tabi'i mukhadram, c'est-à-dire qu'il est entré dans l'islam pendant le vivant du prophète alayhi salatu wassalam, mais il n'a pas pu se rendre pour voir le prophète alayhi salatu wassalam. Il n'est venu à Al-Madina qu'après la mort du prophète alayhi salatu wassalam. Et Abu Al-Aliya, il a beaucoup de choses, si on rentre dans sa biographie, qui permettent de connaître la valeur de cet homme et la science qu'il avait, qu'Allah Azzawajal lui a accordée. Abu Al-Aliya, juste un point que je vais citer ici. Il y avait un homme qui avait prétendu la prophétie pendant le vivant de Nabi alayhi salatu wassalam au Yémen, qui s'appelle Al-Aswad Al-Anasi. Et Abu Al-Aliya, rahimahullah, s'est opposé à lui. Et les gens autour de cet homme qui avait prétendu la prophétie lui ont dit, si tu n'élimines pas cet homme, ça sera un frein, une barrière à ta da'wah. Et donc il a décidé, il a alimenté un feu, un grand feu, et il a décidé de le jeter dans ce feu. Et Allah Azzawajal a sauvé Abu Al-Aliya de ce feu comme il a sauvé Ibrahim alayhi salam. Ça, c'est parmi les points qui sont cités dans sa biographie. C'est un homme qui a un très très grand degré dans la science. Il dit, rahimahullah, ici, il dit Qad an'ama Allahu alayya bi ni'matayn la adri ayyuhuma afdal an hadani lil islam Il dit, rahimahullah, Allah m'a comblé de deux de ses grands bienfaits. Je ne sais pas lequel de ces bienfaits est meilleur. Le fait qu'il m'ait guidé dans l'islam ou le fait qu'il n'a pas fait de moi harouri, harouri khariji, un takfiri. Yani, ça, c'est les innovateurs qui avaient à son époque. Mais le sens, yani, lequel de ces deux bienfaits sont le plus immense? Le fait d'être guidé dans l'islam ou le fait d'être préservé des innovations et des passions? Et ça, c'est pour montrer l'importance du suivi de la sunna. C'est une immense ni'ma qu'Allah nous ait guidés dans l'islam et qu'Allah Azzawajal a fait de nous des musulmans. Mais il faut compléter cette ni'ma avec une deuxième, qui est de s'attacher et se cramponner à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, et de s'écarter de toutes les innovations et de toutes les hérésies et les passions, et de se limiter à ce que Muhammad sallallahu alayhi wasallam nous a enseigné. Et personne d'entre nous ne peut faire toute la sunna. Alors comment inventer des choses que le Nabi alayhi sallam n'a pas enseignées? Mais ça, c'est l'égarement. Par rapport à toujours à Tawhid, pour voir l'importance de Tawhid et le danger de son opposé qui est Shirk, faut connaître l'histoire de l'apparition de la première forme de Shirk sur terre. Et ceci est rapporté dans l'authentique de l'imam al-Bukhari selon Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, quand il a cité la parole d'Allah: وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وُدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. Dans sourate Nuh, quand il a récité ce verset, il a dit, ça, ce sont les noms d'hommes pieux du peuple de Nuh, alayhi salam, des hommes vertueux du peuple de Nuh, alayhi salam. Lorsqu'ils sont morts, Shaitan a insufflé à son peuple d'ériger des statues les représentant ces hommes vertueux, et de les placer là où ils avaient pour habitude de s'asseoir, et de les nommer du nom de ces défunts. Et ils ont fait ainsi, donc ils ont fait ça avec une bonne intention. C'était de dresser ces statues, de les ériger, afin de se rappeler le bien que ces hommes vertueux vers lequel il les appelait. Et chacun, comme dans les récits, chacun de ces cinq hommes avait excellé dans un domaine. Et il appelait son peuple à ce bien. Donc, c'est uniquement pour se rappeler ces hommes et pour continuer à faire ce bien. Donc, ça a commencé comme ça. Ensuite, Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhu, a dit, ils ont fait ainsi jusqu'à ce que ceux qui ont fait ces statues, ceux qui ont fait ces statues, sont morts. Et une fois que la science a été oubliée, les générations qui sont venues après, il a dit, radiyallahu anhu, ils les ont adorés. Ils les ont adorés. Donc ça a commencé, ça c'est la première forme de shirk qui est apparue sur terre, mes frères. C'est la première forme de shirk qui est apparue sur terre, car entre la descente de Adam alayhi salam du paradis jusqu'au peuple de Nuh alayhi salam, il y avait 10 siècles dans lesquels il n'y avait pas une seule forme de shirk. Il y avait des péchés, mais pas de shirk. Et dans le peuple de Nuh, que c'est apparu la première forme de shirk. C'est Shaitan qui l'a ordonné et c'est parti d'une bonne intention. Mais ça s'est terminé avec shirk qui fait sortir de l'islam. Et shirk, mes frères, constatez quelques points à tirer de cette histoire de Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu, qui est dans l'authentique de l'Bukhari, rahimahullah. C'est que quand Shirk est apparu pour la première fois, il n'a plus jamais disparu de la terre. Shirk, quand il est apparu, ça a continué jusqu'à nos jours. Et dès que cette forme de Shirk est apparue, Allah Azzawajal a dépêché le premier messager qui a été envoyé pour les gens de la terre, Nuh alayhi salam. Avant Nuh alayhi salam, il n'y avait que des prophètes, alayhimus salatu wassalam. Et le premier messager qui a été envoyé aux gens de la terre, comme dans Hadith al-Shafa'a, c'est Nuh alayhi salam. Pourquoi? Parce que shirk est apparu pour la gravité de shirk, qui est l'opposé de tawhid. Et le fait d'étudier Tawhid et d'étudier son opposé, ça c'est la guidée de nos pieux prédécesseurs. Al-Nabi alayhi salatu wassalam, quand on étudie Tawhid, ce n'est pas pour faire douter les musulmans de leur Tawhid, mais pour l'importance de Tawhid et la gravité de shirk. Al-Nabi alayhi salatu wassalam, les versets qui lui ont été révélés de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, lui ordonnant le tawhid et le mettant en garde contre le shirk, n'ont cessé jusqu'à ce que Allah azawajal a pris son âme. Et également lui, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas cessé d'enseigner le tawhid et de mettre en garde contre le shirk jusqu'aux derniers instants de sa vie, alayhi salatu wa sallam. Et comme vous le savez, parmi les dernières paroles qui ont été retenues de Nabi alayhi salatu wassalam, sa parole, La'natullahi ala al-yahudi wa al-nasara, ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Il a dit qu'Allah maudisse les juifs et les chrétiens, ils ont fait des tombes de leurs prophètes des lieux d'adoration. Donc si quelqu'un pouvait se passer de da'wah de tawhid et de l'étude de tawhid, ça aurait été les compagnons, radiyallahu anhum, qui avaient atteint un degré extrêmement élevé dans la foi et qui étaient tellement ancrés dans la science, surtout vers la fin de la vie du prophète, alayhi salatu wassalam. Et malgré ça, le Nabi, alayhi salatu wassalam, n'a pas arrêté de leur enseigner le tawhid et de les mettre en garde contre shirk. Car ce qui compte, mes frères, c'est l'état sur lequel tu meurs. Ce qui compte, c'est de mourir avec Tawhid et de rester dans la droiture de Tawhid jusqu'à la fin de ta vie. Tawhid, ce n'est pas un livre que tu vas étudier une fois dans ta vie, ou deux fois, ou trois fois. Tawhid, c'est une question de vie, du début jusqu'à la fin. Et comme vous le savez également, la méthodologie de Al-Sunna wal-Jama'a, c'est d'enseigner le Tawhid d'une manière détaillée, d'accorder l'importance que se doit à Tawhid, et ça on va le voir, bi'idhnillah, dans... Quand on va voir quelques mérites de Tawhid, Al-Sunna wal-Jama'a, ils font la da'wa au Tawhid d'une manière détaillée et non pas globale. Ils détaillent Tawhid. Et si vous lisez les livres des savants de Al-Sunna wal-Jama'a, vous trouvez que leurs livres sont faits de cette manière. Il cite les conditions, les obligations, il détaille en citant les exemples de shirk, et ainsi de suite. Et également, la da'wa de Ahl-Sunna wal-Jama'a est une da'wa complète qui accorde toute l'importance à tout ce qui est une cause de réforme pour les musulmans, que ce soit dans leurs affaires mondaines ou dans leur religion. كما الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة rentrez dans l'islam d'une manière globale يعني dans sa totalité et sa globalité mais l'importance qu'on doit accorder à la tawhid au tawhid est une importance particulière. Al-Sunna wal-Jama'a, ils disent que le Tawhid est de trois catégories. Tawhid al-Rububiyya, Tawhid al-Asma'i wa-Sifat, wa Tawhid al-Uluhiyya, ou ma yusamma Tawhid al-Ibada. Donc, Tawhid, c'est de trois catégories. L'unicité d'Allah dans la Seigneurie, unifier Allah par ses actes, et croire qu'il est l'unique Créateur, l'unique Roi par excellence, le souverain suprême, subhanahu wa ta'ala, l'unique pourvoyeur et l'unique gestionnaire de toute sa création. Mais on peut le résumer en disant que c'est unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans ses actes. Et la deuxième catégorie, c'est unifier Allah dans ses noms et ses attributs. Attribuer à Allah Azzawajal les noms et les attributs par lesquels il s'est nommé ou il s'est décrit dans son livre et dans l'authentique de la sunna de son noble prophète, alayhi salatu wassalam. Min ghayri tahrifin, sans falsification ni déformation du sens, wala ta'til ni négation, wa min ghayri takyifin, et sans donner un comment, wala tamthil. Assimiler Allah subhanahu wa ta'ala à ses créatures et savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme il a dit, laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'u al-basir, rien ne lui est semblable et il est l'audient, le clairvoyant par excellence, subhanahu wa ta'ala. Également en shirk, il est de trois catégories. De la même manière que tawhid est de trois catégories, son opposé est de trois catégories. L'associationnisme dans la seigneurie, al-shirku fi al-rububiyya, wa al-shirku fi al-asma'i wa al-sifat, wa al-shirku fi al-uluhiyya. Les formes de shirk qui sont répandues dans la umma sont très nombreuses, ce qui nous démontre la négligence dans l'apprentissage et la propagation de tawhid. Si tu vois que shirk est très répandu, sache que c'est par ta négligence, Akhi. Par notre négligence à nous tous. Et que ceux à qui Allah Azza wa Jal a permis la science de tawhid chacun selon son niveau, chacun selon son degré, ils doivent faire les causes pour le propager. Celui qui peut propager avec la parole et celui qui ne peut pas propager avec la parole, avec les cours, avec les audios, avec les livres, et ainsi de suite. Parmi les formes qui sont très répandues, c'est l'invocation d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme vous savez, le dua, comme le Nabi alayhi salam a dit, ad-dua huwa al-ibada. L'invocation, c'est l'adoration. Et ce style en arabe, quand on dit ad-dua huwa al-ibada, c'est pour montrer l'importance de dua dans l'adoration. Et dua, c'est une adoration qui se doit d'être réservé à Allah subhanahu wa ta'ala seul. Et on ne doit invoquer que Allah subhanahu wa ta'ala. Et vouer une adoration à autre qu'Allah, ça, c'est l'associationnisme dans la divinité. Vouer une adoration à autre qu'Allah, quelle que soit cette adoration, ça, c'est un associationnisme dans la divinité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme bien même celui qui le fait, il croit qu'Allah est unique dans son essence, unique dans ses noms et ses attributs. Il faut qu'il unifie Allah également avec ses adorations et qu'il n'adore qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Invoquez-moi, je vous exauce. Parmi les formes également de shirk, porter des amulettes, des bracelets, en pensant que ça repousse le mal avant que ça arrive ou que ça permet de lever le mal une fois arrivé. Dans le hadith Imran ibn Husayn, il a vu un homme, ra'a rajulan fi yadihi halaqatun min sufr. فقال ما هذه؟ قال من الواهنة قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وهي عليك ما فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. Il a dit, c'est quoi ça? Il a dit, ça c'est un bracelet que je mets pour contre une douleur, un mal dans le bras. Il lui a dit, retire-la. Car ça ne fera que t'affaiblir davantage, t'affaiblir dans ta foi et dans ta croyance, car tu t'es attaché à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et t'as fait d'une chose une cause, alors que ce n'est pas une cause. Ce n'est pas une cause de guérison, et ce n'est pas un remède, comme bien même ils peuvent faire croire que c'est un remède, car ça continue à notre époque encore aujourd'hui. Des gens qui portent des bracelets, on fait des bracelets en cuivre ou en autre métal, ils pensent que ça peut repousser un mal. Également, ceux qui portent les talismans, At-Tamima, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Man ta'allaqa tamimatan fala atamma Allahu lah. Celui qui porte un talisman, qu'Allah ne lui permet pas d'aboutir dans son affaire. Qu'Allah ne lui permette pas l'aboutissement dans son affaire. Et tamima, les talismans ne sont pas autorisés, que ce soit avec le Coran ou autre. Également, ceux qui cherchent bénédiction dans des choses sur lesquelles il n'y a pas de texte, il n'y a pas de dalil. Et par rapport à ça, vous connaissez Hadith Abi Waqidin al-Layfi, radiyallahu anhu. Certains compagnons qui étaient novices dans l'islam et qui venaient d'entrer dans l'islam, ils ont demandé au prophète de leur désigner un arbre afin d'attacher leurs armes sur cet arbre pour en tirer bénédiction, car les koufars faisaient de même. Et le Nabi les a blâmés d'une manière très forte. Et même il leur a dit, Allahu Akbar, Qultum walladhi nafsi biyadihi kama qalat banu Israïla li Moussa. اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. Il a dit Allahu Akbar, et ça c'est la colère Vous avez dit, par celui qui tient mon âme dans sa main, comme les fils d'Israël ont dit à Moussa, alayhi salam. Ils lui ont dit, désigne-nous une divinité, comme ils en ont des divinités. Également sacrifié pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est un grave péché. Et c'est une forme d'associationnisme majeur qui fait sortir de l'islam. Comme dans hadith Ali, radiyallahu anhu, il a dit, « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله » Qu'Allah maudisse celui qui sacrifie pour autre qu'Allah. Qu'Allah maudisse celui qui immole pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah عز وجل dit dans le verset, « قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين » Il dit à son noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dis-leur, ma prière et mes invocations, mon sacrifice, ma vie, c'est-à-dire les œuvres que je fais pendant mon vivant, et ma mort, c'est-à-dire les actes sur lesquels je meurs, tous pour Allah le Seigneur de l'univers, sans lui donner d'associé. Et c'est ainsi qu'il m'a été ordonné, et je suis le premier des soumis. Et je suis le premier des soumis. Le Nabi alayhi salatu wa salam akhbarana fima sahha anhu anna 70 alfan min ummatihi yadkhuluna al-jannata bighayri hisabin wala adhab. Wa fi riwayati Muslim ma'a kulli wahidin minhum 70 alfa. Falamma su'ila anhum alayhi salatu wa salam qala هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. Nabi Isa salam nous a informé que 70 000 de sa communauté iront au paradis sans être jugés ni châtiés. Et dans une autre version, dans l'authentique de l'imam Muslim, il a dit avec chacun de ces 70 000, 70 000. Ça veut dire 70 000 multiplié par 70 000. Quand il a été interrogé au sujet de ces gens, qui sont ces gens-là? Sahaba cherche à savoir qui sont ces hommes. Qu'est-ce qu'ils ont fait de particulier pour mériter ce bienfait immense d'aller au paradis sans jugement ni châtiment? Nabi Issa salam leur a dit, ceux qui ne demandent pas la ruqya et ceux qui ne se soignent pas avec la cautérisation et ceux qui ne croient pas aux mauvais et bon augure et ceux qui placent leur confiance totalement en Allah. Si on veut résumer, sans rentrer dans les détails, car les minutes sont comptées, si on veut résumer, c'est quoi la caractéristique de ces hommes? C'est des hommes qui ont concrétisé le tawhid à des niveaux élevés. Et la concrétisation de tawhid, mes frères, est de deux degrés, un degré obligatoire et un degré recommandé. Le degré obligatoire, c'est de le purifier de toute forme de shirk et d'innovation et des péchés. Ça, c'est le degré obligatoire. C'est de s'écarter de toute forme de shirk, d'associationnisme, que ce soit l'associationnisme majeur ou mineur. Et de s'écarter de toute forme d'innovation et d'hérésie dans la religion. L'innovation, comme vous savez, c'est une adoration qui n'a pas été enseignée par le prophète, alayhi salatu wassalam. Et également de s'écarter de tous les péchés. Ça, c'est un degré obligatoire. Car l'associationnisme s'oppose à l'unicité d'Allah d'une manière radicale. Ça la rend caduque. Et les innovations s'opposent à son degré obligatoire. Les innovations diminuent le tawhid de son degré obligatoire. Et l'associationnisme l'annule. Et les péchés diminuent sa récompense. Et le serviteur ne peut arriver au degré de concrétiser le tawhid à son degré obligatoire qu'en s'écartant de ces trois choses. Al-shirk, al-bida', al-ma'asi. Le degré recommandé, qui est un degré supérieur, c'est le degré des proches, les proches d'Allah subhanahu wa ta'ala, les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala, très proches d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ceux qui délaissent les choses dans lesquelles il n'y a pas de mal, par crainte que ça leur porte préjudice auprès d'Allah. Donc ils vont arriver à un niveau tellement élevé dans leur foi et dans leur religion, dans leur pratique religieuse, qu'ils vont délaisser des choses à la base dans lesquelles il n'y a pas de mal, mais ils vont les délaisser par crainte que ce soit une passerelle vers des choses qu'Allah Azzawajal déteste. En autre terme, ce degré recommandé, c'est l'attachement complet du cœur à Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il n'y ait dans le cœur du serviteur rien d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il aime pour Allah, il déteste pour Allah, il donne pour Allah, il prive pour Allah, il fait pour Allah, il délaisse pour Allah. Il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala dans son cœur. Et plus le serviteur arrive à des degrés élevés dans la concrétisation de Tawhid, plus il aura les mérites de Tawhid. La sécurité dans le bas-monde et dans l'au-delà, et la guidée parfaite dans le bas-monde et dans l'au-delà. Il sera en sécurité dans le dunya et dans l'akhira. Plus il concrétise Tawhid, plus il aura de sécurité. C'est pour ça qu'il y a des mouahidines qui vont être châtiés dans le feu de l'enfer. Mais le mouahid ne s'éternise jamais dans le feu de l'enfer. Pourquoi? Parce que leur mise en pratique de tawhid est faible. Mais c'est quand même des mouahidines. Et il n'y a aucun doute, mes frères, que celui qui connaît l'importance de tawhid et son grand degré dans la religion de l'islam, et son grand statut, il va avoir très peur de tomber dans son opposé, qui est l'associationnisme. Et il sera parmi les hommes les plus attachés à préserver son tawhid et à s'écarter de tout ce qui peut tacher son tawhid. Je disais que plus le serviteur y connaît tawhid, plus il va avoir peur de tomber dans son opposé, qui est shirk. C'est pour ça que ceux qui craignent Allah le plus, ce sont ceux qui ont le plus de science. Comme Allah Azza wa Jalla dit, « Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama » Ali radiyallahu anhu disait que le verset qui fait le plus peur dans le Coran, c'est quoi ?« Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha » Regardez mes frères, la science qu'Allah a accordé aux compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le verset qui fait le plus peur dans le Coran, c'est « Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih » Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. Et Ibrahim alayhi salam, qui est Khalilur Rahman, et n'ont atteint ce degré parmi les serviteurs que deux hommes, Ibrahim alayhi salam et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Al-Khalil, c'est celui qui est arrivé au degré le plus élevé dans l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim alayhi salam, écoutez ce qu'Allah nous dit de lui dans le Coran. Il dit وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَا كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ Il dit et préserve-moi ainsi que ma descendance de l'adoration des idoles, ô mon Seigneur, car elles ont égaré beaucoup de gens. Il a eu peur pour lui-même, Ibrahim alayhi salam. Comme a dit At-Tabi'i al-Jalil Ibrahim al-Taymi rahimahullah, il a dit Man ya'manu al-bala'a ba'da Ibrahim. Qui peut se croire à l'abri après Ibrahim alayhi salam? Et wallah, qui peut se croire à l'abri après Ibrahim alayhi salam, qui a peur de tomber dans le shirk? Ibrahim alayhi salam, qui est Khalilur Rahman, l'imam de l'Mouahidin, Imam al-Hunafa, celui qu'Allah Azzawajal a fait de lui une communauté à lui seul. Il a été éprouvé par des paroles. Ibtuliya bi kalimatin fa atammahun. Celui qui a cassé les idoles avec sa propre main, il a peur pour sa personne et pour sa descendance de tomber dans le shirk. Que dire de celui qui n'a pas le degré de Ibrahim alayhi salam? Il est plus à même d'avoir peur de shirk. Et Nabi alayhi salam a dit à ses compagnons radiyallahu anhum, il leur a dit: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء. Ce que je crains le plus, bien évidemment le discours pour les compagnons, c'est le discours pour toute la Ummah. Mais regardez le Nabi عليه السلام, il dit à ses compagnons: ce que je crains le plus pour vous, c'est l'associationnisme mineur. Et dans beaucoup de hadiths, le Nabi عليه السلام nous a informé que n'arrivera pas la fin des temps jusqu'à ce que shirk soit répandu sur terre. Dans beaucoup de hadiths, tels que ce hadith dans les deux authentiques, la taqoum as-sa'atu hatta tadtarib alayat nisa'i dawsin ala dhil khalasah. Il n'arrivera pas la fin des temps jusqu'à ce que les fesses des femmes de Daous, une tribu au Yémen, vont yani, s'agiter autour de cette idole qui s'appelle Dhil Khalasa, qui était adorée avant l'islam par la tribu de Daous. Ça veut dire que l'adoration de Dhil Khalasa reviendra avant la fin des temps. Et dans l'authentique de l'imam muslim, « La yadhabu al-layl wal-nahar » حتى تعبد اللات والعزى. Également, on n'arrivera pas à la fin des temps jusqu'à ce que Lat et l'Uzza soient adorés. Dans un autre hadith également authentique, لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. N'arrivera pas à la fin des temps jusqu'à ce que des tribus de ma communauté se joindront aux associateurs et jusqu'à ce que des grands groupes de ma communauté adoreront les idoles. Celui qui connaît Tawhid et son importance, il va avoir peur de shirk et également il va propager Tawhid. Il va chercher à partager ce bien, à commencer par son entourage, par sa proche, sa famille. Et c'est ainsi qu'étaient les messagers, alayhim salatu wassalam, ainsi que leurs suiveurs. Ils propageaient Tawhid et ils commençaient dans leur da'wa par Tawhid. Comme dans le hadith d'Ibn Abbas radiyallahu anhu, quand le prophète a envoyé Mu'adh ibn Jabal au Yémen, il lui a dit: « Ya Mu'adh, innaka ta'ti qawman min ahli al-kitab, falyakun awwala ma tad'uhum ilayh shahadatu an la ilaha illallah. » Au fi riwaya, « Ay wahidu Allah. » Que ce soit la chose, la première des choses, tu vas avoir affaire à des gens du livre. Des gens du livre, c'est-à-dire qui disent déjà « La ilaha illallah ». Mais ils ne comprennent pas, ils n'appliquent pas à son sens. Ils n'appliquent pas à ce que ça implique, cette parole. Ils disent « La ilaha illallah » et tombent dans le shirk. Cela également, il faut leur faire da'wah au tawhid. Et ensuite, il lui a dit que ce soit la première des choses à laquelle tu les appelles, l'attestation « La ilaha illallah ». Dans une autre version, qu'ils unifient Allah. Donc ça ne suffit pas de dire « La ilaha illallah » avec la langue. Pour nous, tu es un musulman dès que tu dis « La ilaha illallah ». Mais « La ilaha illallah » qui te sauvera auprès d'Allah, c'est celle dont tu as compris le sens et que tu as mis en pratique. C'est celle-là, « La ilaha illallah » qui sauve auprès d'Allah. Et toute la science, ça tourne autour de ces sens-là. Comme a dit l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il a dit « Wal ilmu aqsamun thalathatun ma laha min rabi'in wal haqqu dhu tibyani » علم بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء للرحمن والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالفرقان. Voilà, par rapport à cette introduction, avant de commencer à parler des mérites de Tawhid, mais comme on a tardé, je vais vous citer sans détail, comme ça rapidement, les quelques mérites de Tawhid que l'imam Ibn Rajab rahimahullah a cité dans son livre Kalimatul Ikhlas. Il a dit rahimahullah, يعني je vais résumer, فهي كلمة التقوى لا التوحيد la parole لا إله إلا الله qui est la parole de التوحيد, c'est la parole de la piété, c'est la parole de la sincérité, c'est l'attestation de vérité, c'est l'appel de vérité, c'est le désaveu de l'associationnisme et c'est la sauvée dans ce bas monde et dans l'au-delà, et c'est pour cette parole que les créatures ont été créées. Comme Allah Azza wa Jalla dit, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Et c'est pour cette parole qu'Allah Azza wa Jalla a envoyé les messagers et a révélé les livres. Comme Allah Azza wa Jalla dit, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ. Nous n'avons envoyé avant toi aucun messager à qui nous n'avons révélé à qui nous n'ayons révélé point de divinité en dehors de moi, adorez-moi donc. Allah Azza wa Jalla dit par rapport au livre, avant les livres, yunazzilu al-mala'ikata bir-ruhi min amrihi 'ala man yasha'u min 'ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Il fait descendre par son ordre les anges avec la révélation sur qui il veut parmi ses serviteurs. Avertissez qu'il n'est d'autre divinité digne d'adoration que moi. Craignez-moi donc. Et par rapport au livre, Allah Azza wa Jalla dit dans Sourate Hud, Alif Lam Ra, Kitabu nunzilat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir, Alla ta'budu illa Allah, innani lakum minhu nadhirun wa bashir. Alif Lam Ra, Allah Azza wa Jalla dit, c'est un livre dont les versets sont parfaits en style et en sens, émanant d'un sage parfaitement connaisseur. N'adorez qu'Allah. Moi, je suis pour vous de sa part avertisseur et annonciateur. At-Tawhid, c'est une condition pour qu'Allah Azza wa Jalla nous accorde la victoire et nous assiste. At-Tawhid, c'est la clé de la da'wa de tous les messagers sans exception. C'est avec Tawhid qu'ils ont tous entamé leur da'wa. Comme on a vu dans le hadith Mu'ad radiyallahu anhu. At-Tawhid, mes frères, c'est ahsanul hasanat, wa awwalul ma'mourat, wa awjabul wajibat. C'est la meilleure de toutes les bonnes actions. Et c'est le premier de tous les ordres. Et c'est la plus obligatoire de toutes les obligations. C'est le convenable le plus important et le blâmable le plus grave. At-Tawhid, c'est la parole ferme. Comme Allah Azza wa Jalla dit, يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ. Allah raffermit ceux qui ont cru avec la parole ferme. C'est Tawhid. Tawhid, c'est une expiation des péchés. Comme Allah Azza wa Jalla dit dans le hadith al-Qudusi, يَبْنَ آدَمْ إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيتَنِي لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً. Ô fils de Adam, si tu me rencontres avec l'équivalent de la terre en péché, et tu me rencontres avec sans me donner d'associé, c'est-à-dire avec le tawhid pur, je pardonnerai tes péchés. At-tawhid هو أفضل الذكر أفضل الذكر لا إله إلا الله. La meilleure invocation, le meilleur appel et la meilleure évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la parole La ilaha illallah. c'est la parole la plus aimée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah n'accepte aucune œuvre. Allah n'accepte aucune œuvre sans tawhid. Et tawhid, c'est une protection contre shayatin. Et tawhid, c'est l'équivalent de l'affranchissement d'esclaves, comme dans les hadiths. Celui qui dit la parole de tawhid avant d'entrer dans un marché, يعني لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وإليه المصير وعلى كل شيء قدير. الله lui pardonne 1000 péchés, il lui donne 1000 degrés. التوحيد, celui qui prononce la parole de التوحيد après avoir terminé ses ablutions, Allah lui donne la possibilité d'aller au paradis par les 8 portes. Il choisit la porte qu'il souhaite. Celui qui rencontre Allah Azzawajal avec Tawhid, même avec des diminutions dans certains actes, des négligences, Allah Azzawajal lui accorde son pardon. Et celui dont la dernière parole de ce bas monde est la ilaha illallah, c'est-à-dire Tawhid, Allah Azzawajal le fait entrer au paradis. Voilà quelques points qu'on a pu citer pendant ces quelques minutes. Je demande à Allah Azzawajal de nous faciliter la mise en pratique de ce que nous apprenons et de nous accorder la science bénéfique et profitable et de nous faciliter les œuvres pieuses et acceptables. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.